إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 32, qui est le dernier cours dans l'explication de la aqidah des deux razi, aqidah al-raziyyin. Naam, mashallah. Donc comme je disais, c'est le dernier cours. Donc on continue. Donc on est arrivé dans l'explication des deux Razi, Abu Hatim Ar-Razi et Abu Zura Ar-Razi, donc les deux grands imams parmi les imams d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, deux montagnes de science parmi les montagnes de science des ulama de hadith. Eh bien, ils ont, comme on a expliqué depuis le début, réunis et rassemblés des points parmi les points qui font partie de la aqidah des salafs et les choses sur lesquelles les imams d'Ahlus Sunnah sont tous d'accord, et ils les ont énumérées les unes après les autres pour clarifier leur position et pour expliquer qu'ils font partie des ulama d'Ahlus Sunnah wal Jama'a et que c'est ça leur aqidah et leur manhaj, qu'ils sont sur la même aqidah et le même manhaj que la aqidah et le manhaj des salaf al-salih, ceux qui les ont précédés parmi... on dit ça à propos des grands ulama qui sont des montagnes de science. Donc, pour terminer, il dit « Qala Abu Muhammad ». Abu Muhammad, c'est qui? Abu Muhammad, c'est Ibn Abi Hatim. Abu Muhammad, c'est Ibn Abi Hatim, le fils de Abu Hatim Ar-Razi. Donc c'est lui qui écrit les paroles de son père et de l'imam Abu Zur'a. D'accord? Donc il dit, قال Abu Muhammad, وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم وبه أقول أنا. وقال أبو علي ابن حبيش المقري وبه أقول. وقال شيخنا ابن المظفر وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف وبه أقول. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل وصلى الله على محمد وآله وسلم. Donc le cheikh, il termine donc avec cette partie, on va traduire en français. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit, Abu Muhammad a dit, c'est-à-dire le fils de Abu Hatim, il dit, j'ai entendu mon père et Abu Zur'a qui ordonnaient tous les deux de s'écarter des gens de la déviation et de l'innovation. C'est-à-dire de couper les liens, de s'écarter, de boycotter, de ne pas fréquenter, de ne pas s'asseoir avec les gens de la déviation et de l'innovation. Et ils étaient très stricts et très sévères et très durs dans cela. Ils avaient dans cela la plus grande dureté, la plus grande sévérité. Hein? Comme la plupart des ulama d'Ahl Sunnah. Et ils interdisaient tous les deux d'écrire des livres ou de faire des livres en se basant uniquement sur des opinions sans mentionner les preuves de la Sunna et les hadiths. Et ils interdisaient tous les deux de s'asseoir avec les gens de kalam, hein, les gens de philosophie, les gens qui parlent de la religion sans preuves, et de regarder dans le livre des gens de kalam, des mutakallimin. Et ils disaient tous les deux: la personne qui rentre dans le kalam, elle ne va jamais avoir le succès. C'est quoi le kalam? Hein, on va l'expliquer. Mais le kalam, de façon résumée, c'est quoi? C'est la philosophie. Hein? C'est le fait de parler de la religion ou de parler d'Allah, mais sans se baser sur le Coran ou la Sunna. Tu parles de la religion selon tes opinions personnelles, selon ton point de vue personnel. Qala l'imam Abu Muhammad ibn Abi Hatim. Donc le fils de l'imam Abu Hatim, Abu Muhammad, il dit wa bihi aqulu ana. C'est-à-dire moi aussi je dis ça. C'est-à-dire tout ce que les deux ont dit, Abu Hatim et Abu Zur'a, tout ce qu'ils ont dit depuis le début, il dit le fils de l'imam Abu Hatim, et moi aussi je dis ça. Et il dit, et Abu Ali ibn Hubaysh, il dit, et moi aussi je dis cela. Et notre cheikh ibn al-Mudaffar, il dit, et moi aussi je le dis. Et notre cheikh, hein, celui qui a écrit ce livre, il dit, et moi aussi je le dis. Hein, et on le dit tous, Inch'Allah. Qu'est-ce que les deux imams ont dit? Inch'Allah, nous aussi on le dit. Et qu'Allah nous donne, donne le succès à chaque croyant, hein, pour atteindre ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Parmi les paroles et les actions, et paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et ses fidèles. D'accord. Donc on a terminé donc ce point-là. Maintenant, on va lire l'explication de Cheikh Rabi'a. Et qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Rabi'a, hafizahullah, de cette conclusion des deux imams? Et on voit que dans cette partie-là, à la fin, il explique en même temps le manhaj, le sunnah envers les mubtadi'a, envers les gens de l'innovation. Donc il explique, Cheikh Rabi'a, il dit, وَنَحْنُ وَاللَّهُ نَقُولُ بِهَذَا. C'est-à-dire, même nous aussi, par Allah, on dit la même chose que ces deux imams-là ont dit dans leur aqidah et dans leur manhaj. On est d'accord avec eux et on le dit. Il dit, كُلُّ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ السُنَّةِ نَقُولُ بِهِ كُلُّ عَقَائِدِهِمْ وَمَوَاقِفِهِمْ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَمِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ومواقفهم من أهل البدع والضلال نقول بها وندين الله بذلك وذلك الأمر بهجران أهل البدع والزيغ. Donc le cheikh dit tout ce que les gens de la sunna disent, on le dit. Toute leur croyance, hein, et leur position parmi les gens de Ahlus Sunnah, parmi les sahaba, parmi les tabi'in, et leur position vis-à-vis des gens de bid'a et de l'égarement, on le dit nous aussi, et on considère cela comme étant notre religion devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, parmi les choses qui font partie de ça, l'ordre de s'écarter et de boycotter les innovateurs et les gens de bid'a et les gens de déviation. Le fait de boycotter les gens de bid'a, de s'écarter d'eux, de ne pas les fréquenter, de ne pas les saluer, de ne pas s'asseoir avec eux, hein, ça, il y a un consensus des ulama de l'islam à ce sujet-là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et il y a un livre qui a été écrit par le cheikh Dr Khalid Al-Zafiri ou Al-Zufairi, hafizahullah, et il s'appelle le livre Ijma' al-Ulama 'ala al-Hajri wa al-Tahdhir min Ahli al-Ahwa. C'est-à-dire le consensus des ulama sur يعني le fait de s'écarter, de boycotter et de mettre en garde contre les gens de la passion, c'est-à-dire les innovateurs. Et ce livre-là, يعني on l'a fait en cours et on l'a traduit en français lorsque on était dans un séminaire en Belgique. Je crois que c'était en 2010. On a traduit tout le livre avec les citations des salafs, des paroles des imams et des ulama. Un livre très très bénéfique, divisé en quatre chapitres, très très intéressant. Et c'est un livre fondamental. Tout salafi devrait lire ce livre-là, ou au moins, s'il ne peut pas lire le livre, mais au moins écouter les cours traduits de ce livre. C'est vraiment bénéfique. Je pense que le titre de la traduction, c'était « La position des gens de la sunna envers les gens de bid'ah ». Non. Donc, Cheikh Rabi, il dit « Wa ahlul bid'ah qisman ». قسم دعاة إلى الضلال وهؤلاء يهجرون ويعاقبون أشد العقوبة ويمنعون من الدعوة إذا تمادوا فعلى ولاة الأمور أن يقتلوهم حماية للمجتمعات من شرورهم وقسم آخر عوام مخدوعون هؤلاء مبتدعة عندنا لكن ندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة لا نهجرهم ولا نجالسهم ندعوهم في المساجد لا نهجرهم ولا نجالسهم ندعوهم في المساجد ندعوهم في الأسواق ندعوهم بالأشرطة والكتب نقدم لهم الحق ونبين لهم الباطل ونحذرهم منه فيهدي الله من أراد الله به خيرا ومن أراد الله به شرا فلا يستفيد بشيء من ذلك ونحذر من هذا المعاند المصر على البدع. Qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on vient de lire? C'est un point très très important. Pourquoi c'est très important? Parce que beaucoup de gens, malheureusement, ils tombent dans certaines erreurs de compréhension par rapport à ce point-là. Et on va expliquer pourquoi. Donc, le cheikh dit que les gens de bid'a, quand on parle des gens de bid'a, c'est qui les gens de bid'a? Hein? C'est qui de quels gens de bid'a? Quand on dit que les salafs, ils ont mis en garde contre les innovateurs, et ils nous ont ordonné de ne pas les fréquenter, de les boycotter, de ne pas s'asseoir avec eux, de ne pas leur parler, de ne pas leur donner le salam, de ne pas, et ainsi de suite, de qui il parle exactement? Le cheikh il dit les gens de bid'a sont divisés en deux catégories. Les gens de bid'a sont divisés en deux catégories. Il y a les gens de l'égarement, qui appellent à l'égarement. D'accord? Ceux qui appellent à l'égarement. T'as compris, Hassan? Hein? Les gens de bid'a, première catégorie, c'est qui? C'est ceux qui font la da'wa, les du'ats, des prêcheurs de l'égarement. Ils appellent à la voix des khawarij, ils appellent à la voix des soufiyas, ils appellent à la voix des asha'ira. Il appelle à la voix des takfiriyah, il appelle à la voix des djihadiyah, de Daesh, Qaïda, hein? Il appelle à la voix des jahmiyah, des mu'tazila, hein? Ou ils appellent à la voix des shi'a, rafida, ils appellent à la voix des laïcs, des démocrates ou d'autres, hein? Des égarements, ils appellent à ces choses-là, ils essaient de convaincre les gens de les écouter, de les suivre dans ces voies-là. Ça, c'est ce qu'on appelle les prêcheurs, les du'ats. Donc, ces gens-là, c'est eux qu'on doit boycotter. Et ils doivent être punis et empêchés de faire leur da'wa. S'ils persistent et ils propagent leurs égarements, les responsables, les dirigeants doivent les empêcher. Et si c'est nécessaire de les exécuter, hein, il y a comme punition possible, il y a l'exécution, comme le cheikh le mentionne, pour préserver la société de leur mal. Sinon, il y a d'autres punitions qui sont possibles, l'emprisonnement ou il y en a d'autres sortes de punitions. Donc, on voit que le but d'arrêter les mubtadi'a, c'est pour protéger la société. Ça fait partie des punitions qui peuvent être données à l'innovateur de la part du dirigeant et de la part des gens en général, c'est de s'écarter d'eux de ne pas les fréquenter, de ne pas les saluer, de ne pas s'asseoir avec eux, de ne pas les écouter, de ne pas lire leurs livres, parce que sinon tu risques de te mettre dans une situation où tu risques d'être égaré, des choubouhades qui risquent de rentrer dans ton cœur à cause de, leurs choubouhades, des doutes qu'ils font circuler, des arguments faux qu'ils utilisent pour tromper les gens. Si tu les écoutes, tu tombes dans leurs pièges, tu tombes dans leurs égarements. Donc, boycotter ces gens qui appellent à la bid'a. D'accord ? Il y a à l'époque, je me rappelle, quand il y avait des prêcheurs d'égarements parmi les sururis en Arabie Saoudite, les khawarij, le Cheikh bin Baz et d'autres ulama se sont mis d'accord pour qu'ils soient arrêtés, ces gens-là, et pour les emprisonner. Oui. Et donc, Cheikh bin Baz, il a dit, ces gens-là, comme Salman al-Awda, Safar al-Hawali et d'autres, il faut les arrêter parce qu'ils représentent un danger pour eux-mêmes et pour la société. Ils les ont arrêtés, ils les ont mis en prison, hein, pour préserver la société de leur mal. Donc ça, c'est un exemple de comment les ulama et les dirigeants agissent avec les mubtadi'a, hein, et avec les gens d'égarement. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Malheureusement, les gens, certains parmi les mubtadi'a, ils pensent que toute personne qui est emprisonnée, peu importe la raison pour laquelle il est emprisonné, il pense que ça, c'est quelque chose de bien. Donc, par exemple, s'il trouve quelqu'un qui est allé en prison parce qu'il a des idées des khawarij, il a planifié des attentats, ou il parle des choses d'égarement, il appelle au takfir des musulmans, il s'est fait arrêter, mettre en prison, ils disent, ah, lui, il est courageux, il est bon, il est fort, parce que, tu vois, il est en prison. Donc, le fait d'être en prison, il pense que tout de suite, c'est un signe de guidance et que quelqu'un, c'est quelqu'un qui décide ou qui dit la vérité. Alors que c'est pas nécessairement le cas. Il y a des gens qui ont été mis en prison parce qu'ils ont dit la vérité, c'est vrai. Il y a des exemples de ça, hein, comme Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, l'imam Ahmad, Ibn Hanbal. Hein. Mais ça, c'est des cas. Mais il y a aussi d'autres cas aussi où des gens de bid'a qui propagent de l'égarement et ils suivent la voie des khawarij, ils font des égarements et ils sont arrêtés puis punis. Et on a l'exemple à l'époque de Omar ibn al-Khattab, de Sabir ibn Asal, que Omar ibn al-Khattab, il l'a arrêté, hein, et il l'a fait frapper, hein, il l'a frappé pendant 3 jours. Puis quand il a arrêté, il a dit, ça y est, j'arrête, maintenant je reviens sur mes positions, j'arrête de faire qu'est-ce que je disais. Alors il l'a libéré et il l'a fait exiler. Mais c'est pour dire que même si la personne en question, Sabir, ne faisait pas nécessairement une bid'a, mais Omar sentait qu'il y a quelque chose de pas normal dans sa façon d'agir, puis que ça peut amener quelque chose de danger, ça peut amener une bid'a plus tard. Donc il l'a traité tout de suite pour fermer la porte. Hein? Mais les bid'a sont arrivés après, sont sortis après. Hein? Après Omar, il y a eu Othman qui a pris le khilafa. Puis là, on a vu apparaître d'autres innovations. Et justement, ils ont tué les Khawarij, ils ont tué Othman. Et puis après, il y a eu Ali. Et ils ont essayé de sortir contre lui, de se révolter contre lui. Puis après, il les a combattus avec les Sahaba. Puis finalement, après, hein, il a été lui aussi tué par les Khawarij. Et ainsi de suite. Donc c'est pour dire que la façon dont les salafs ont été avec les mubtadi'a, c'est connu. L'exemple de Ibn Omar, lorsqu'il a eu la visite des tabi'in à Mecca, il venait pour le hajj, et ils venaient de Al-Kufa ou de l'Irak, il y en a quelque part de cette région-là. Ils ont dit, on a entendu chez nous, il y a des gens, ils cherchent la science et ils nient la prédestination, ils ne croient pas en le qadar. Alors ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Qu'est-ce que tu dis à propos de ces gens-là? Abdullah ibn Omar, il a dit, yani, ces gens-là, yani, même s'ils donnaient la montagne de Uhud en or, hein, en sadaqa, yani, Allah n'accepterait rien. de ça jusqu'à ce qu'ils acceptent de croire en Al-Qadar. Puis il a dit, dis-leur que je suis innocent d'eux, hein, je me désavoue d'eux et eux n'ont rien à voir avec moi. Tant qu'ils n'ont pas affirmé le Qadar. Donc, voici un exemple encore d'un des salafs, comment il a agi avec, avec des mubtadi'a. L'exemple de Abdullah ibn Abbas, aussi avec les Qadariya, la même chose. Hein? Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça aussi chez les salafs, comment ils ont agi avec les premiers mubtadi'a qui sont apparus, comment ils ont agi avec Ja'd ibn Dirham, comment ils ont agi avec yani Jahm ibn Safwan, comment ils ont agi avec yani d'autres qui sont venus. L'imam Ahmad, comment il a agi avec les Mu'tazila. L'imam Ash-Shafi'i, comment il a agi avec celui qu'ils appelaient, je pense c'est Hafs al-Fard. Je pense son nom c'était Hafs al-Fard. T'as jamais entendu? Non? C'est un des parmi les gens de Kalam. Il a une discussion avec lui, puis il l'a réfuté sur beaucoup de points par rapport à la question des attributs d'Allah et des choses comme ça. Ça, c'est connu de l'imam Ash-Shafi'i. Et il y a l'imam Malik, comment il a rejeté, il a chassé celui qui venait poser la question à propos de l'istiwa, hein, qui posait « Kayfa istawa » à propos d'Allah, comment Allah s'est élevé sur le trône. Il a dit, hein, Allah, il a dit que cette personne-là soit écartée, chassez-le, hein, parce que c'est un innovateur. Et il a donné sa parole célèbre. L'istiwa, il est connu. Et le commun est inconnu. Et la foi en cela est obligatoire. Et de demander à ce sujet, c'est une bid'a. Donc ça, tout ça, c'est des exemples comment les salafs ont agi avec des mubtadi'a. Et comment ils ont traité les mubtadi'a. Il y a beaucoup d'autres exemples encore que d'autres salafs aussi ont mentionné. Et on les retrouve, ces paroles-là, dans les livres des salafs. Certains parmi eux, comme Mohammed ibn Sirin, Ayyub al-Sartiani, et beaucoup d'autres, ils ont mentionné des exemples où ils ne voulaient même pas écouter un mot ou un hadith ou un verset de Coran des Mubtadi'a. Ils disaient, laisse-nous, on va discuter avec toi, on veut te lire un hadith. Il a dit, non, je ne veux pas entendre de vous un hadith. Il dit, laisse-nous te mentionner un verset dans le Coran. Il dit, non, je ne veux pas entendre de vous un verset dans le Coran. Hein? Et une autre fois, ils ont demandé à Mohammed ibn Sirin, on veut juste échanger quelques mots avec toi. Il n'a dit même pas la moitié d'un mot. Il a dit, soit que vous vous levez, ou moi je me lève. Je ne veux rien savoir de vous. Et même, il y en a un, je pense que c'était Tawus, un des imams parmi les salafs. Il disait à son fils, parce qu'il y avait un mubtadi' qui venait pour essayer de lui parler, pour lui dire des choses, il mettait ses doigts dans ses oreilles pour ne pas l'entendre. Et il disait à son fils, rentre tes doigts plus fort dans tes oreilles pour pas que qu'est-ce qu'il dit, ça rentre dans ton cœur. Hein, des shubuhat, des fitan. Donc, naam. Donc ça, c'est la première catégorie, c'est à propos des gens qui faisaient la da'wa à la bid'a. Donc c'est parmi les gens qui font la da'wa, qui sont convaincus de la bid'a, ils aiment cette bid'a, ils veulent la défendre, ils veulent propager cette bid'a, ils veulent que les gens les suivent dans la bid'a, et ils sont convaincus que c'est eux qui sont sur le haq, et les gens qui s'opposent à eux ou qui sont en contradiction avec eux, ils sont convaincus que eux ils sont dans l'égarement. Ça, c'est des du'at à la bid'a. Ces gens-là, on les coupe, on les fréquente pas, puis on n'essaie pas de débattre avec eux, argumenter avec eux. Mais il y a une autre catégorie, le cheikh il dit, l'autre catégorie c'est le musulman ordinaire, le commun des musulmans, qui ont été eux-mêmes trompés par les mubtadi'a. Hein? Donc ce sont des musulmans du commun, ordinaire. Ils viennent à la mosquée, ils prient. Ils connaissent peut-être pas nécessairement la bid'a, qu'est-ce que c'est. Ils la font peut-être, ils la suivent, mais ils ne la comprennent pas en détail. Et ils ne prêchent pas aux autres. Ils ne disent pas aux autres, par exemple, « Oh, tu devrais faire telle chose, ou tu dois faire telle chose, tu dois dire telle chose. » Non. Il le pratique, la bid'a, il pratique pour lui-même, puis il l'a fait pour lui-même, mais il n'invite pas les autres à le faire. Hein? Ils ont été trompés par des gens de bid'a, donc ils suivent cette bid'a-là, mais sans vraiment appeler ou inciter les autres à vouloir faire cette bid'a-là aussi. Donc ceux-là, il n'y a pas de doute que, pour nous, il dit le cheikh, ceux-là pour nous sont des mubtadi'a, mais par contre, on les invite à Allah avec sagesse, avec une bonne exhortation, et on ne va pas les boycotter. Hein? On va les inviter et leur faire la da'wah dans les mosquées, on va les inviter, on va leur faire la da'wah dans les marchés, on va leur faire la da'wah en leur donnant des cassettes, des livres, on va leur faire parvenir la vérité et on va leur clarifier, hein, la vérité et leur clarifier le faux pour mettre en garde contre le faux, pour qu'ils sachent. Et yani, par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala va guider qui il veut. Hein? Allah va guider celui pour qui Allah veut du bien. Hein? Et celui pour qui Allah veut du mal, yani, il ne va pas profiter de quoi que ce soit, de qu'est-ce qu'on va lui mentionner ou de qu'est-ce qu'on va lui dire. Et le cheikh, il dit, on met en garde contre celui qui est persistant, qui est obstiné et qui persiste sur sa bid'a. Hein? Il est obstiné. Hein? Tu lui as expliqué tout. Tu lui as mentionné les preuves. Tu lui as donné les paroles des ulama. Soit tu lui as donné en audio, ou tu lui as donné un livre. Il a vu ça, il a lu ça, il a compris. Puis après, il s'obstine avec toi, puis il débat avec toi, il ne veut pas accepter le haqq. Il dit, celui-là, dans ce cas-là, tu mets en garde contre lui, puis tu t'écartes de lui par la suite. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui veut vraiment suivre la vérité. C'est quelqu'un qui veut juste suivre sa passion. Donc quelqu'un, tu lui as parlé, tu lui expliques, puis après la personne, elle voit les preuves claires, puis elle ne veut pas l'accepter, tu la laisses. Hein? Bien entendu, des fois, ça dépend des personnes aussi. Il y en a des gens, peut-être que tu leur donnes les preuves, tu leur expliques, tu leur mentionnes, tu leur donnes un livre, tu leur donnes des audios, des fichiers audio, ils écoutent ça. Puis, ils ne s'obstinent pas avec toi, mais ils n'acceptent pas du premier coup. C'est comme si ils ont besoin encore de plus de clarification. Oui, avec des gens comme ça, oui, tu peux leur donner plus de clarification, puis être patient avec eux, jusqu'à ce qu'ils... soit convaincu clairement avec les explications supplémentaires que tu lui donnes. Mais si c'est quelqu'un, depuis le début, comme il ne veut même pas entendre, il ne veut même pas écouter, puis il défend le faux, hein, et il jette des choubouhats ou des choses comme ça, il y a des gens comme ça, tu peux les laisser. Hein. 5180 Queen Mary. le local. Non, fika barak. Le cheikh il dit wa yughallidhan fi dhalika ashadd at-taghlid. Yani yughallidhan fi hujran ahli al-bid'ah. Yughallidhan fi hujran ahli al-bid'ah wa yunkiran wad' al-kutub بالرأي بغير آثار. Donc le cheikh il dit, et ils sont tous les deux, Abu Hatim et Abu Zur'a, très très rudes et très sévères dans la question de boycotter les gens de la bid'a, c'est-à-dire les gens qui appellent à la bid'a, et ils condamnent le fait d'écrire des livres ou de faire des livres qui sont basés uniquement sur les opinions et sur la philosophie ou la raison, sans être supporté par les preuves des textes du Coran et de la Sunna. Hada yaqsuduna bihi ahl al-ra'yi. Wa kana hunaka khilafat bayna ahl al-ra'yi wa hum al-ahnaf yahtammuna bil-ra'yi wal-qiyas. ولا يهتمون بالآثار فتقع منهم مخالفات كثيرة لأنه ليس لديهم عناية بالسنة حتى بعضهم استجاز الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا صرح به بعض العلماء ففهم النصوص ففهم النصوص يكون في ضوء الأحاديث والآثار وليس من الرأي. Donc le cheikh il explique ici, il dit que qu'est-ce qu'on veut dire par ahl al-ra'i, d'écrire des livres en se basant sur un ra'i. Le mot ra'yun en arabe, ça veut dire, on le traduit littéralement comme on l'utilise à l'époque actuelle, ça veut dire une opinion. Ra'yun, un point de vue, une opinion, c'est ça que ça veut dire. Et dans le langage des ulama à cette époque-là, quand les salafs ils utilisaient ra'yu, ils faisaient souvent allusion à al-qiyas. Al-qiyas, les analogies. Et c'est de ça qu'ils voulaient parler en fait. Parce que la charia, elle est basée sur, à la base, sur le Coran, la Sunna et l'Ijma. Puis, la quatrième source de législation dans l'islam, c'est Al-Qiyas. Ça vient en quatrième. D'accord ? Al-Qiyas, c'est quoi ? C'est quelque chose qui ressemble peut-être à ce qu'on appelle en français une analogie, mais c'est une analogie basé sur les principes de la charia et de l'islam. C'est basé sur les preuves de l'islam. Et c'est quelque chose qu'on utilise lorsque, par exemple, on veut savoir le verdict de quelque chose qui n'était pas présent nécessairement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou quelque chose qui n'y a pas un verdict spécifique dans les textes. Sajjada? Comme les cigarettes. Le frère il donne un exemple comme les cigarettes. Donc il n'y avait pas de cigarettes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment les ulama vont déterminer le verdict de fumer la cigarette? Est-ce que c'est halal ou haram? Donc comment ils vont se baser sur quoi pour dire que c'est halal ou haram? Ils vont faire un qiyas. C'est ça. Mais c'est comme si, pour dire que, quand il y a quelque chose sur lequel il y a une preuve claire dans la charia, et que, entre cette chose et la nouvelle chose qui vient d'arriver, il y a un point ou une relation entre les deux. Quelque chose qui fait qu'il y a une relation entre les deux. Donc, ils vont appliquer le verdict sur la nouvelle chose en se basant sur le texte en question. Et tout ça, c'est régi par des règles et des principes de la charia. Et qu'est-ce qu'on appelle al-qiyas et l'ijtihad. Tout ça, c'est des choses qui sont basées, comme on dit, sur les principes de la charia. D'accord ? L'ijma, c'est le consensus. Oui, l'ijma, c'est le consensus des ulama. Et al-qiyas, c'est l'analogie, un raisonnement basé sur une analogie islamique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une analogie basée sur les principes de la charia. Donc, al-qiyas. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à une certaine époque, il y a des fuqaha, en particulier les fuqaha du madhhab al-ahnaf, les hanafis, ils ont un peu exagéré dans le qiyas. Et une des raisons pourquoi ils ont exagéré dans le qiyas, certains ulama ont mentionné que dans la région de al-Kufa, où étaient les ahnaf en grande partie à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui fabriquaient des faux hadiths. Il y avait beaucoup de rafidah qui inventaient des hadiths. Et à cause de ça, les ulama étaient très stricts dans les conditions d'acceptation des hadiths. Ce qui fait qu'ils n'acceptaient pas beaucoup de hadiths à cause de ça. Et donc, ils se basaient beaucoup plus sur le qiyas que sur le hadith. Et donc, ils faisaient des analogies sur des analogies sur des analogies. Et on sait qu'à la base, on n'a pas le droit de faire une analogie en se basant sur autre chose que sur un texte authentique. Hein? Tu ne fais pas une analogie sur une analogie. Tu fais une analogie sur un texte. Mais bon, eux, ils ont un petit peu, disons, dépassé la limite, exagéré dans le qiyas. Au point où ils commençaient même parfois à contredire les textes authentiques. Hein? Ils préféraient se baser sur des analogies et tu leur ramenais des hadiths, hein, que eux ils connaissaient pas. Ils ont dit oui, mais nous on a telle position, c'est notre imam, il a telle position, donc on suit cette position là. Hein, et c'est basé sur une analogie. On dit oui, mais le texte il a précédence sur l'analogie. Eux ils disent, hein, on va suivre quand même la position de ce cheikh, hein, on va pas revenir à la position du texte. Ça a fait qu'il y a des gens qui ont exagéré dans le qiyas et ils ont pris des positions qui sont en opposition avec la sunna à cause de ça, et ils sont devenus fanatiques, ils se sont attachés fanatiquement à ça. On les a appelés ahlul ra'i, c'est-à-dire les gens qui se basent sur l'opinion au lieu de se baser sur le hadith. Et c'est là que aussi on avait apparaître l'expression en même temps ahlul hadith. Les gens, on disait les gens de Ra'i par opposition à Ahlul Hadith. Puis, après, on a utilisé Ar-Ra'yu pour désigner, yani, tout ce qui arrivait comme innovation ou comme nouvelle idée qui n'était pas basée sur le Coran et la Sunna. Donc, c'est devenu l'utilisation de Ar-Ra'yu, ça voulait dire quelque chose de beaucoup plus large par la suite. Et donc, c'est ça ce que le cheikh il explique ici. Il dit que yani, les divergences qui sont apparues, hein, entre les gens de Ar-Ra'yu qui donnent plus d'importance au qiyas et qui ne donnent pas d'importance au texte et au hadith, hein, et on les voit par la suite qui tombent dans des choses qui sont en contradiction avec la sunna, et qu'ils ne donnent pas d'importance à la sunna, jusqu'à ce que yani, certains ont même permis d'inventer des hadiths, yani, d'inventer des hadiths au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il y a certains même parmi eux, parmi certains ulama qui ont même mentionné ça, comme ils prétendaient que oui, c'est permis d'inventer des faux hadiths, a'oudhu billah. Donc le cheikh il dit وهذا صرح به بعض العلماء ففهم النصوص يكون في ضوء الاحاديث والاثار وليس من الراي. Donc la compréhension des textes, ça doit être basé sur les hadiths du Coran. La compréhension des textes du Coran et de la Sunna, ça doit être basé sur les textes des hadiths et les narrations, et non pas basé sur l'opinion, hein, les opinions. Et j'ai parlé de ça dans le livre qui s'appelle Toute Bid'a et Égarement. J'en ai parlé de ça à la fin, dans la fin du livre. J'ai parlé de Ahlul Ra'i et qui ils sont et qu'est-ce que c'est ces questions de Ahlul Ra'i. J'ai parlé de ça et j'ai clarifié ces choses-là. Après, en fait, c'est des paroles de ulama que j'ai traduites, qui ont expliqué ça. Des paroles des salafs et paroles de l'imam Ibn al-Qayyim et d'autres également qui clarifient ça. C'est un livre. C'est Toute Bid'a et Égarement. Il est sur le site Salafi de Montréal. Puis, dans Ilam al-Muwaqqi'in, l'imam Ibn al-Qayyim, il en parle. L'imam al-Shatibi, dans son livre Al-I'tisam, il en parle de ça. Et aussi, l'imam Al-Khatib Al-Baghdadi, dans son livre Al-Faqih ou Al-Mutafaqih, il parle de ça aussi, Ahlul Ra'i. également aussi un livre où on trouve des références là-dessus, c'est le livre d'un cheikh contemporain, cheikh Mohamed Bazmoul, dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Intisar li Ahl al-Hadith. Il parle de ça dans son introduction et il résume des paroles de l'imam Ibn al-Qayyim également. Donc il y a des livres qui ont été écrits aussi yani sur ce sujet-là, c'est yani par rapport aux gens de Kalam aussi, parce qu'on parle de Ahlul Ra'i et puis aussi rentre dans ça Ahlul Kalam, les gens qui se basent sur la logique, sur la philosophie et des trucs de ce genre pour déterminer la aqidah au lieu de se baser sur les textes du Coran et de la Sunna. Donc ils rentrent dans ceux qui sont blâmés par rapport à l'utilisation de la raison et de l'opinion plutôt que de se référer au texte de la révélation. Bon, après le cheikh il dit ici ensuite وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من مجالسة أهل الأهواء تلا قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Donc le cheikh il dit, et les deux imams Abu Hatim et Abu Zur'a, ils interdisent de s'asseoir avec les gens de kalam. Les gens de kalam, les gens qui se basent sur la philosophie, qui se basent sur la raison, la philosophie grecque ou d'autres idéologies ou d'autres philosophies, et qui se basent sur yani, leur logique ou leur raison personnelle, et qui regardent dans les livres des gens de kalam, les mutakallimin, c'est-à-dire des philosophes ou des gens qui se basent sur ce genre de choses. Parce qu'à la base, la compréhension du Coran et de la Sunna, hein, on comprend le Coran et la Sunna de quelle manière ? On comprend le Coran et la Sunna en se basant sur le Coran et la Sunna et aussi la compréhension des salafs, d'accord? Et c'est comme ça qu'on comprend la religion. Les ulama ils disent que le Coran il s'explique lui-même. Il y a le tafsir du Coran par le Coran, le tafsir du Coran par la Sunna, le tafsir du Coran par les paroles des Sahaba. Et le tafsir du Coran, l'explication du Coran par les paroles des tabi'in, et ensuite, hein, al-lugha, na'am, al-lugha, la langue arabe classique. Puis ensuite, les hadiths aussi, hein, les hadiths aussi. Donc, c'est la manière dont les ulama comprennent, hein, le Coran. Pas uniquement en se basant sur la raison. Quand on a donné l'ordre tout à l'heure, on a dit que la charia s'est basée sur le Coran, la sunna, l'ijma et le qiyas. C'est en ordre, hein? Le Coran et la sunna, ça va ensemble. C'est la première source de législation dans l'islam. Ensuite, l'ijma, c'est le consensus, hein? Qu'est-ce que les ulama de l'époque des sahaba, puis ensuite, quand ils sont tous d'accord sur quelque chose, ça veut dire que ça c'est un verdict. Ça veut dire c'est quelque chose, on peut dire que s'ils sont tous d'accord sur quelque chose, ça veut dire ça y est, c'est correct, c'est accepté, hein? Ça fait partie des sources de la législation islamique. Puis al-qiyas, lorsqu'il n'y a pas de preuve, lorsqu'il n'y a pas de texte explicite sur quelque chose, on se base sur l'analogie, hein, selon les principes de la charia. Mais il y en a qui vont direct au qiyas. Ils laissent le Coran et la sunna de côté, ils laissent l'ijma aussi, puis ils vont direct au qiyas. Et c'est là l'égarement, et c'est ça le danger, et c'est ça les gens qui essaient de parler à propos d'Allah sans se baser sur le Coran et sur la sunna. Ils essaient d'interpréter Allah, qui il est, et ses attributs, comment ils sont, en se basant sur... C'est-à-dire, quand je dis les attributs, comment ils sont, pas comment ils sont dans le sens comment elles sont, mais comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit lui-même dans le Coran, dans la sunna, les attributs qu'il a mentionnés, les noms qu'il a mentionnés, que tu te limites à ça, la connaissance de ces noms et de ces attributs, tu te limites à qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et bien entendu, le comment, on ne le connaît pas. Le comment, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. Mais tu te bases sur la révélation pour connaître ton créateur, sur le Coran et sur la sunna. Tu ne te bases pas sur qu'est-ce que Aristote a dit, ou Platon, ou un autre parmi les mouchriquins et les kuffars. Mais eux, non. Ils se basent sur ça et ils disent non, ça c'est logique, c'est la logique. Et ils mettent la logique au-dessus de la révélation divine. Donc, ils disent à propos d'Allah n'importe quoi. Et ça, c'est une porte vers l'égarement, il n'y a pas de doute. Puisqu'ils commencent à affirmer des choses qui sont niées dans le Coran, puis ils commencent à nier des choses qui sont affirmées dans le Coran à propos d'Allah. Et ils affirment des choses qui sont niées dans la sunna, puis ils nient des choses qui sont affirmées dans la sunna. Donc, ça veut dire qu'ils commencent à rentrer dans l'opposition et l'égarement. Et c'est ça le danger, de rentrer dans ces choses-là. Puis non seulement ils font ça, mais ils essaient de justifier ce qu'ils disent en se basant sur des arguments rationnels. En fait, c'est des shubuhat. Ils mélangent les gens avec ça. Ça, il y en a, c'est pas qu'ils s'en viennent à Montréal, ils sont déjà là. S'ils invitent quelqu'un pour parler de ça, c'est parce qu'il y en a déjà qui sont là, déjà présents, pour entendre encore plus de ça, de l'égarement, tu vois. Mais les gens, ils savent pas la différence. Les gens, ils savent pas parce qu'ils étudient pas le manhaj et l'aqida des salafs. Donc, étant donné que les gens, ils étudient pas l'aqida, le manhaj, quand ils entendent quelqu'un parler de l'islam, ils disent, ah, islam, il dit le mot islam, il dit musulman, il dit qala Allah, qala Rasulullah, donc ça doit être bon. Mais ils ne vérifient pas à savoir qu'est-ce que cette personne-là, elle dit, est-ce que c'est en accord avec le manhaj et la aqida des salafs ou non? Est-ce que c'était ça la croyance des premiers musulmans ou non? D'accord? Donc, c'est grave. Et parmi les gens de Kalam, justement, comme tu me posais la question à propos de Mohammed, Abu Hamid al-Ghazali, eh bien c'est ça, ça fait partie des gens de Kalam. Il fait partie des gens de Kalam, parce que c'est une des références de la secte des Asha'ira. L'Aqid al-Ash'ariya, une de ses références dans leur Aqid, c'est Abu Hamid al-Ghazali. Et cet homme, Abu Hamid al-Ghazali, il était connu comme un des grands fuqaha de la région de Asfahan à l'époque. Mais à un moment donné, pour une raison, Allahu a'lam, je ne sais pas, il a eu un doute ou des problèmes dans sa aqida, il a commencé à douter, et là il a commencé à faire toutes sortes de recherches. Il est rentré dans l'étude de la philosophie et dans les profondeurs de la philosophie, jusqu'à ce qu'il arrive à un point où il a douté de tout. Puis après il a dit finalement la philosophie, il n'y a rien là-dedans. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans les couvents, les trucs de soufis, les monastères là, des moines soufis, des adorateurs soufis. Il s'est enfermé là-dedans. Puis il est rentré dans l'extrémisme, dans le soufisme. Subhanallah, il a cherché la vérité là-dedans. Jusqu'à la fin, il a rien trouvé. Il a dit ça, c'est... À la fin, il a vu que c'était complètement égarement. Donc il est revenu de ça aussi à la fin. Mais c'est pour dire que c'est quelqu'un dans sa vie, il était instable. Il cherchait tout le temps quelque chose. Il cherchait toujours une vérité. Et donc, tu trouves qu'il a écrit des livres pour défendre la philosophie et des livres pour la réfuter. Il a écrit des livres pour défendre Ilm al-Kalam, puis des livres pour le réfuter. il a un livre qui s'appelle Al-Iljam, Iljam al-Awam, an Ilm al-Kalam. C'est-à-dire empêcher les Awam, le commun des musulmans, de rentrer dans Ilm al-Kalam. Et il mentionne les arguments pourquoi c'est pas bon de rentrer dans Ilm al-Kalam. Sauf qu'il dit ça c'est juste interdit pour les Awam. Mais Al-Khawas, les ulama ou les gens comme lui, oui, ils peuvent rentrer dans le kalam. Alors que les salafs ne faisaient pas de distinction entre l'awam ou l'ulama, sauf les grands imams de l'islam, comme Ibn Taymiyyah, il a étudié ces choses-là, mais pour les réfuter. Et il ne l'étudiait pas pour la même raison que Al-Ghazali. Al-Ghazali, quand il a étudié Ilm al-Kalam, c'est parce qu'il cherchait la vérité là-dedans. Il pensait qu'il y avait du vrai. Ibn Taymiyyah, il l'a étudié, il était convaincu que c'était faux. Il l'étudiait uniquement dans le but de le réfuter pour montrer sa faiblesse et sa fausseté. Et la même chose quand il a étudié les autres sectes et les autres religions. Ibn Taymiyyah, c'était quelqu'un comme... Avant de rentrer dans l'étude de ces choses-là, il était déjà un alim. Il avait mémorisé le Coran et les hadiths et les livres des salafs et la aqida et le fiqh et le tafsir et l'usul, le fiqh. Yani, demande la science, il le connaît. L'aura. Il avait maîtrisé toutes ces sciences avant de rentrer dans ces choses-là. Donc, il savait où il s'en allait. Hein, c'était pas n'importe qui. Mais Al-Ghazali, non. C'est différent, son approche, son cheminement, c'était pas du tout le même. Al-Ghazali, c'était une recherche de la vérité qu'il faisait. Parce qu'il doutait de qu'est-ce qu'il suivait. Et c'est pour ça qu'il est tombé dans plein d'égarements. Malheureusement. Et on dit qu'à la fin de sa vie, Ibn Taymiyyah, il dit à la fin de sa vie, il est mort avec Al-Bukhari sur sa poitrine. En voulant dire, on espère qu'il s'est repenti de ça, hein, de ses positions d'égarement avant sa mort. On souhaite pour lui qu'il s'est repenti. L'imam Al-Ghazali, il a dit justement à propos des gens de Kalam, il dit, les gens qui ont le plus de doutes au moment de la mort sont les gens de Kalam. Les philosophes, les gens qui étudient la religion par la philosophie et la raison. Hein. Donc, c'est pour dire. Et il a dit, mais malgré tout, c'est-à-dire malgré que Al-Ghazali est mort avec Al-Bukhari sur sa poitrine, on espère qu'il s'est repenti, mais il dit, ça n'empêche pas que je dois réfuter quand même les égarements qu'il y a dans ses livres, hein, pour que les gens soient averti et préservé de ses égarements. Donc, un des livres qu'il a écrit, Al-Ghazali, s'appelle Ihya Ulumuddin. Et c'est ça, c'est un des livres qui est le plus glorifié et propagé par les soufis. Parce que dans ce livre-là, il y a des paroles de kufr, il y a des paroles de shirk, il y a des hadiths maudours, des hadiths fabriqués. Et il y a tellement d'égarements dans ce livre-là que même les ulama de son époque ont mis en garde contre le livre. Et non seulement ça, même les ulamas de l'Andalousie, lorsque le livre est arrivé en Andalousie, ils ont allumé un feu devant la mosquée et le dirigeant et les ulamas se sont réunis pour brûler le livre. Hein? Parce qu'il y a des paroles graves dedans. Des paroles de Wahdatul Wujud, de shirk, hein? Et des faux hadiths. Des croyances des bâtonniyines, hein, des sectes ésotériques, et toutes sortes de choses graves qui sont totalement opposées à l'islam. Donc les ulama, ils ont mis en garde, et pas juste un, de nombreux, même il y a des ulama, un cheikh, je pense à notre époque, ou plusieurs même, qui ont écrit même un recueil de tous les noms des ulama qui ont mis en garde contre son livre. Des ulama de son époque, et de ceux qui sont venus après, puis les raisons, les points, pourquoi ils ont mis en garde contre le livre. Donc c'est assez sérieux l'affaire. Mais là tu vois que les soufis, ils le vénèrent, ils l'appellent Hujjatul Islam. Quand ils disent Al-Ghazali, ils disent Hujjatul Islam, c'est-à-dire la preuve de l'islam, ou l'argument de l'islam. Alors qu'il n'était pas... sur la sunna. C'était pas quelqu'un qui défendait la voie d'Ahl sunna. Allah musta'an. Après, le cheikh, il dit que donc les salaf, comme Abu Hatim et Abu Zura, ils interdisaient de s'asseoir avec les gens de Kalam et de regarder dans leurs livres. Et ils disaient, les gens de Kalam ne vont jamais avoir le succès. Donc ça, c'est la parole des deux imams, Abu Hatim et Abu Zura. Et si vous voyez les gens qui parlent de Kalam, ces gens-là, ils ne vont jamais avoir le succès. Et on peut dire de façon générale que ce n'est pas seulement les philosophes, mais toute personne qui parle d'Allah et qui est sur la bid'a, qui parle de l'islam et qui est sur la bid'a, ça rentre dans les gens de Kalam. Donc les mubtadi'a de façon générale. Mais aussi en particulier les gens qui se basent sur la philosophie et qui nient les attributs d'Allah, qui parlent du qadar, sans se baser sur les textes, qui parlent des attributs d'Allah sans se baser sur les textes et des choses de ce genre. Et le cheikh, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens de la passion. Et il a mentionné le verset. Donc ça, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis en garde contre les gens de la passion. Il a mentionné le verset 7 dans Surat Al-Imran, qui est un verset très important pour comprendre cette question-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Parmi ces versets, il y en a qui sont clairs et équivoques. Plutôt sans équivoque. Ils sont clairs et sans équivoque. Ça veut dire qu'ils sont muhkamat. C'est des versets explicites. Ils ne peuvent pas avoir d'autre sens qu'un seul sens. Et ces versets-là sont la base du livre. Ces versets-là sont la base du livre. Et il y a d'autres versets qui sont mutashabihat. C'est-à-dire, c'est des versets qui sont équivoques, qui peuvent avoir plusieurs sens, qui peuvent être interprétés. Il dit, donc il y a ces deux catégories de versets, les versets explicites et clairs, qui peuvent qu'avoir un seul sens, puis d'autres versets qui sont équivoques, qui peuvent être interprétés différemment. Il dit, ceux qui ont une maladie dans le cœur, une déviation dans le cœur, ils font exprès de suivre les versets qui sont équivoques et qui peuvent avoir plusieurs interprétations pour faire la fitna et pour chercher son interprétation. Alors que nul ne connaît son interprétation excepté Allah et ceux qui sont fermement enracinés dans la science. Ils disent, nous y croyons, tout cela vient de notre Seigneur. C'est-à-dire que, comme les ulama ont expliqué, s'il y a des versets qui sont équivoques, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir plusieurs façons d'être compris ou d'être interprétés, eh bien, les savants, qui sont fermement enracinés dans la science, ils prennent ces versets, et pour les comprendre et pour savoir leur sens, ils les ramènent aux versets qui sont explicites, qui sont muhkamat. Ils ne les interprètent pas selon leur imagination ou selon leur opinion personnelle. Et donc, le cheikh, il explique, il dit qu'après avoir récité ce verset, il a dit, si vous voyez des gens qui suivent ce qui est équivoque dans le livre, alors sachez que ce sont de eux, que c'est ceux-là que Allah a nommés, alors prenez garde, prenez garde contre eux. Mais soyez avertis contre eux. Le cheikh il dit, وهذه طريقة أهل البدع السابقين واللاحقين يتتبعون المتشابهات من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام العلماء ليدعموا مناهجهم الفاسدة وآرائهم الضالة فهؤلاء يحذر من مجالستهم خاصة الدعاة منهم أما العوام والجهلة منهم فهؤلاء لا نآكلهم ولا نجالسهم ولكن ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. Donc le cheikh il dit, il dit ça c'est la voix des gens de Bida qui étaient là avant et ceux qui existent aujourd'hui également. Ils suivent qu'est-ce qui est équivoque de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut avoir plusieurs sens. Et ils suivent également ce qui peut avoir plusieurs sens des paroles des ulama pour essayer de supporter leur méthodologie corrompue et leurs opinions égarées. Des fois tu vas voir ça, des gens comme par exemple des Khawarij ou des Soufiyin ou d'autres parmi les gens de, qui suivent des sectes d'égarement, ils vont citer des paroles de grands savants pour essayer de justifier des bid'ah qu'ils font ou des égarements qu'ils font. Ils disent, oui, mais un tel cheikh il a dit ça, ou un tel cheikh il a dit ça. Ils se basent sur des paroles des fois qui sont fausses. Des fois c'est même pas vrai. Ou bien des fois c'est vrai, le cheikh il a dit telle ou telle parole, mais c'était des paroles générales. Et là, pas les cheikhs, les machaikhs et les ulama, parfois ils n'ont pas spécifié ou détaillé dans cette question-là, ils ont donné un verdict général. Et eux, ils utilisent le fait que cette parole est générale pour essayer de supporter leur bid'ah en faisant ça. C'est comme l'exemple dernièrement, il y en a un qui essaie de dire que yani, les anachides islamiques c'est permis, et il cite pour justifier ça une parole de Cheikh bin Baz, une fatwa de Cheikh bin Baz qui est générale. Alors qu'il y a plein, il y a des dizaines et des dizaines de fatwas détaillées qui clarifient le verdict de l'islam sur la question des anachides. Et ils les rejettent du revers de la main. Pourquoi? Parce que c'est en contradiction avec leurs désirs et leurs passions. Donc ça c'est l'exemple. Comment des gens ils prennent des paroles générales ou équivoques, et puis ils les prennent comme référence pour dire « Ah oui, mais tel cheikh il l'a permis » ou « Il est d'accord avec telle chose » alors que c'est même pas vrai. Donc ça c'est un exemple. Et le cheikh il dit donc qu'ils prennent des paroles générales pour justifier leur position. Et ceux-là, il faut donc avertir contre le fait de s'asseoir avec eux, en particulier ceux parmi eux qui sont des du'ats, c'est-à-dire des prêcheurs, ceux qui appellent et qui invitent les gens à rentrer avec eux dans la bid'ah. En ce qui concerne les musulmans du commun qui ont été trompés par eux ou qui les suivent par ignorance, il dit, ceux-là, tu ne dois pas t'asseoir avec eux, manger avec eux, mais par contre, tu dois les inviter avec sagesse et avec une bonne exhortation. C'est-à-dire, tu leur fais la da'wah, tu leur clarifies les choses qu'ils ont pas bien comprises pour qu'ils reviennent à la sunna et pour qu'ils cessent de suivre les innovations et les bid'ahs qu'ils suivent. Après le cheikh il dit wa kutubul mutakallimin bada'at tantashiru fi dhalika al'ahd fa harabahum ahlus sunnati ashadd al-harb kullu a'immati al-islam atbaqu wattafaqu ala tahrim 'ilm al-kalam wa annahu dalal wa qala ash-shafi'i rahimahullah fi dhalik hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jarid wan ni'al ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من يتعاطى علم الكلام وكلهم حرموا النظر في كتب الكلام لأن الكلام وهو فلسفة أخذوها من اليونان جرهم إلى تعطيل صفات الله وجرهم إلى ضلالات لا أول لها ولا آخر فحرموا النظر في الكلام وفي كتب الكلام لما فيها من الضلال. Donc le cheikh il dit que les livres des gens de kalam, les livres des philosophes et des gens qui se basent sur la philosophie pour parler de la religion, ils ont commencé à se propager à leur époque. Alors les gens de la sunna de cette époque-là ont commencé à faire la guerre à ces livres. Tous les imams de l'islam se sont tous mis d'accord sur le fait que de regarder dans les livres de Ilm al-Kalam, c'est interdit, parce que c'est de l'égarement. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il a même une parole très célèbre à ce sujet-là. Et il dit, mon jugement à propos des gens de Kalam, c'est qu'ils soient frappés avec des feuilles de palme et des sandales, et qu'on les fasse circuler parmi les tribus, et les différentes régions, et qu'on dise voici la punition de celui qui rentre dans Ilm al-Kalam, dans la philosophie et dans ces choses-là. Cette parole, on la retrouve dans Al-Hilya de l'imam Ibn Nu'aym et aussi dans Manaqib al-Shafi'i de l'imam al-Bayhaqi, et l'imam al-Zahabi il l'a mentionné également. Il dit wa an al-Shafi'i hukmi fil kalam حكم عمر في صبيغ. Il a dit, mon verdict à propos des gens de Kalam, c'est le même jugement que Omar ibn al-Khattab a donné à propos de Sabir. Sabir ibn Asal, celui dont on a parlé tout à l'heure. Comment il l'a emprisonné et comment il l'a fait frapper. Hein, il l'a frappé yani pendant 3 jours. Après, il dit, Naam, Az-Za'farani wa ghayruhu. قالوا يعني سمعنا الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. Donc Az-Za'farani et d'autres, ils ont dit, nous avons entendu Al-Shafi'i qui disait, mon verdict au sujet des gens de Kalam, c'est qu'ils soient frappés avec des feuilles de palme et qu'ils soient portés sur le dos d'un chameau et qu'on les fasse promener et tourner dans les villages, dans les tribus, et qu'on appelle à leur sujet et qu'on dise, voici la punition ou la rétribution de celui qui laisse le livre et la sunna et qui se tourne vers Al-Kalam. Wa qala Abu Abdurrahman Al-Ash'ari sahib Al-Shafi'i qala Al-Shafi'i madhhabi fi ahli Al-Kalam تقنيع رؤوسهم بالصياط وتشريدهم في البلاد قلت لعل هذا متواتر عن الإمام انتهى كلامه. يا عبد الرحمن الأشعري il dit que c'était le compagnon de l'imam Al-Shafi'i, il a dit que ma position à propos des gens de Kalam c'est تقنيع يعني ici je ne sais pas comment le traduire, mais en voulant dire taqni'u ru'usihim bis-siyat, siyat c'est les fouets, donc je ne sais pas s'il veut dire ici de frapper leur tête avec des fouets ou quoi, mais il dit ensuite wa tashriduhum fil bilad, et de les expulser du pays, de les exiler en fait. Et donc après il a dit Abu Abdurrahman al-Ash'ari, il a dit ça c'est quelque chose qui a été rapporté par un grand nombre de personnes à propos de l'imam Al-Shafi'i. Et tu vois qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont Asha'ira et qui défendent la Aqida Ash'ariya, que ce soit Al-Azhar ou dans d'autres pays musulmans, ce sont des gens qui se disent suivre l'imam Al-Shafi'i et qui sont Shafi'i dans le Madhab, dans le Fiqh. Hein? Et ils contredisent la Aqida de l'imam Al-Shafi'i dans l'Aqida. Tu vois que dans l'Aqida, ils sont Asha'ira. Alors que l'imam Al-Shafi'i est mort des siècles avant Abu al-Hassan al-Ash'ari, celui à qui on attribue l'Aqida Ash'ariya. Il est mort bien avant lui. Et il était sur l'Aqida des Salaf, il affirmait les attributs d'Allah. Contrairement aux gens de Kalam parmi les Asha'ira. Quand on parle des gens de Kalam, on implique, comme j'ai dit tout à l'heure, Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira, Al-Maturidiya, ceux qui nient les attributs d'Allah, ou qui rentrent dans la négation des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est parce qu'ils se sont basés sur la philosophie. Le Cheikh, il dit, les salafs ont interdit de regarder dans ces livres parce que, c'est à cause de ces livres-là, à cause de la philosophie des Grecs, c'est à cause de ça qu'ils sont rentrés dans la négation des attributs d'Allah, et ça les a amenés par la suite à beaucoup d'égarements, hein, qui n'ont pas de début ni de fin, tellement qu'il y a des égarements graves là-dedans. La plupart des Asha'ira, tu les trouves des Soufiyin, et la plupart des Soufiyin, tu les trouves Asha'ira. Al-Ikhwan, le fondateur des frères musulmans, Hassan al-Banna, sa aqida dans les noms et les attributs d'Allah, c'est l'aqida ash'ariya. Il a même un livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Aqaid, dans lequel il défend l'aqida des Asha'ira. Et il prétend même que l'aqida du tafwid, c'est l'aqida des salafs, alors que c'est faux. L'aqida des salafs, c'est pas le tafwid. Tafwid, ça veut dire, tu sais pas qu'est-ce que les noms veulent dire, ni les attributs d'Allah, tu sais pas ce que ça signifie. C'est comme si c'était des mots en chinois ou en une autre langue. On peut pas comprendre ces noms-là. Quand Allah il dit Ar-Rahman al-Arsh istawa, istawa, on peut pas comprendre qu'est-ce que ça signifie. Ça n'a pas de signification. Et les salafs, Ils ne comprenaient pas qu'est-ce que ça voulait dire, ni le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le tafwid. Et ça, c'est totalement faux. Les salafs comprenaient la signification de l'istiwa et des autres noms et des autres attributs d'Allah. Et ils les affirmaient. Mais par contre, le commun des attributs, ils le niaient. Hein? Donc c'est faux de dire que les salafs étaient des mufawwidah. Mais c'est ça que lui, Hassan al-Banna, dans son livre Al-Aqaid, c'est ça qu'il affirme. Hein? Et ça, c'est une aqidah qui est très dangereuse. Hein? Et même Ibn Taymiyyah, il dit que Al-Mufawwidah, ils sont plus dangereux que le Nufat, que ceux qui nient les attributs directement. Et après ça, il dit le Cheikh. Donc, étant à cause de la présence de ces idéologies, de ces philosophies, eh bien, les salafs ont interdit de regarder dans ces livres de kalam et dans les livres de kalam à cause des égarements qu'il y a dedans. Et il dit « Wa qala al-imam Abu Muhammad ibn Abi Hatim wa bihi aqulu ana wa qala Abu Ali ibn Hubaysh al-Muqri wa bihi aqulu ana wa bihi aqul wa qala shaykhuna ibn al-Mudaffir wa bihi aqul وقال شيخنا يعني المصنف وبه أقول لما ساق هذه العقائد كلها نقل اتفاقهم على هذه العقائد التي ساقها والمصنف هو اللالكائي رحمه الله ونقول ونحن نقول بكل ما قالوا وإذا فاتنا شيء لم تحويه هذه الرسالة من عقائد أهل السنة فنقول بها وندين الله بها ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة وأن يتوفانا على الإسلام إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc le cheikh, il dit pour terminer que il dit l'imam Abu Muhammad ibn Abi Hatim, c'est le fils de l'imam Abu Hatim. C'est lui qui a rassemblé cette aqidah de son père et de l'imam Abu Zur'a. Il dit, et moi aussi je dis ce que mon père et Abu Zur'a ont dit. Et l'autre qui rapporte cette aqidah de Abu Muhammad, il dit, Abu Ali ibn Hubayshin, il dit, et moi aussi je le dis. Et l'autre également, un autre cheikh qui l'a rapporté, Ibn al-Muzaffar, il dit, et moi aussi je le dis. Et notre cheikh, Al-Musannif, c'est-à-dire Al-Lalakai, il dit, et moi aussi je le dis. Et donc, c'est pour ça que, pour dire qu'ils sont tous d'accord sur ces points de la croyance et du manhaj qui ont été rapportés par l'auteur et par les deux imams, et nous aussi, on dit la même chose, qu'on est d'accord avec ce qu'ils ont dit, et s'il manque quelque chose dans le livre qui n'a pas été mentionné de la aqidah des salafs et de la sunna, des gens de la sunna, eh bien, on le dit également. Et c'est ça notre religion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous raffermisse, ainsi que vous-même, sur la sunna, et qu'il nous fasse mourir sur l'islam. Et notre Seigneur est certes audient de nos invocations, et paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et sur ses compagnons. Et donc ça, c'est ce qui vient conclure le livre de l'explication de la aqidah des deux Razi, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi. Et comme j'avais mentionné depuis le début, Abu Hatim al-Razi, qui est mort en l'an 277 après la Hijra, et l'imam Abu Zur'a al-Razi, qui est décédé en l'an 264 de la Hijra, c'est-à-dire ces deux grands imams parmi les imams des Salaf al-Salih. Et on a entendu ensemble leur aqida, c'était quoi? Et leur manhaj, c'était quoi? Sur plusieurs des points fondamentaux de la croyance et des enseignements de l'islam. Et donc, c'est ça ce qu'on doit suivre. Hein? Parce que tout ça, ce qu'ils ont mentionné, c'est basé et supporté sur le Coran et sur la sunna authentique et sur la compréhension des salaf salih. Donc, c'est ça la voie à suivre pour être bien guidé, inshallah. Et donc, on a terminé le livre. À partir de la semaine prochaine, inshallah, on va commencer à lire ensemble l'explication du livre Al-Kaba'ir, le charh de Al-Kaba'ir, écrit par le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, avec le charh de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah. Et c'est un livre très très bénéfique, Al-Kaba'ir. C'est des hadiths en fait, hein. plein de chapitres qui parlent des kaba'ir, des grands péchés. Puis, chaque chapitre, il y a des différents sujets dans lesquels il mentionne des péchés parmi les grands péchés. Puis, le Cheikh Al-Fawzan, il explique chacun de ces hadiths-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes, très importantes et très bénéfiques là-dedans. Donc, on commencera ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.